Ils sont là tout autour de nous. On les devine parfois. Ils nous attaquent, on les chasse, on les mange, ils nous dévorent. On les voit peu, mais on les entend. Pas si bête, une chronique sur le monde sonore animal. Aujourd'hui, le bonobo. Le bonobo ne vit que dans un seul pays au monde, la République démocratique du Congo, pour une population estimée à 10 à 30 000 individus. Là, nous sommes précisément dans la province de Bandundu, dans le nord-est du pays. On remonte le cours du fleuve Congo. Rive droite, c'est le territoire des chimpanzés. Rive gauche, celui des bonobos. Et ils sont là, dans les arbres, sautant de branche en branche ou marchant à quatre pattes dans les sous-bois. Dans cette forêt assez dense, la visibilité est souvent réduite. Difficile de repérer de visu les autres animaux. Et rien de tel alors que le son pour détecter autrui, signaler sa présence, communiquer à longue distance et échanger des informations. La première chose qui frappe quand on écoute les bonobos, c'est la puissance de leurs cris, très aigus et stridents, donnant immédiatement l'impression que les singes sont paniqués, terrorisés. Pourtant, les situations dans lesquelles le bonobo s'exprime sont très variées. Actuellement, on lui connaît plus d'une quinzaine de cris différents, aboiements, grognements, cris de contact, d'alarme, des cris qui peuvent s'organiser sous forme de séquences, qui ont chacune leur structure et leur durée propre. Chose remarquable, leurs cris ne sont pas tous stéréotypés. Leur structure peut changer subtilement à chaque production selon l'identité du bonobo, le contexte et bien sûr sa position dans les séquences. Chez les bonobos, on a l'art de la transition quand on s'exprime et on passe d'un cri à l'autre, d'un sujet à l'autre, de manière progressive. Leur système de communication est très sophistiqué. On a découvert par exemple qu'ils étaient capables, quand ils poussaient leur cri « nourriture en vue », de préciser la nature du fruit repéré et sa qualité. Car contrairement aux chimpanzés qui, lorsqu'ils trouvent quelque chose de bon, se tait et le mange seul, le bonobo, lui, a le sens du partage. C'est qu'il vit dans une société beaucoup moins individualiste que celle du chimpanzé. Autre spécificité des bonobos, leur société a tendance matriarcale. Ce sont les femelles qui dominent. Elles ont un système d'alliance très fort, basé sur l'amitié et non sur les liens de parenté, chose rarissime chez les animaux. Ainsi, même si les mâles se rebellent de temps en temps, les femelles savent les remettre à leur place grâce à ce fameux pacte passé entre elles. Elles s'unissent et peuvent se montrer très agressives. On ne maintient pas le pouvoir sans un peu de violence, même chez les bonobos, apôtres du sexe convivial. Cela dit, il reste vrai que de nombreux conflits se résolvent chez les bonobos grâce aux rapports sexuels. On devrait d'ailleurs plutôt parler de rapides frottements génitaux. Entre mâles et femelles, entre mâles, entre femelles, entre jeunes et adultes, on se caresse pour se calmer ou se réconforter. De là à transformer les bonobos en babacool, hippie du règne animal, il n'y eut qu'un pas à franchir, d'autant plus vite fait que l'étude comportementale des bonobos a commencé dans les années 70. L'ère du temps était alors à fête l'amour, à la guerre. Et les bonobos sont devenus les chantres de l'amour libre. Pas si bête, une chronique de Céline Duchesnay, avec la complicité de Florence Levrero de l'Université Lyon-Saint-Étienne et de la Sonothèque du Muséum National d'Histoire Naturelle. Réalisation, Laurent Polaret.